laisser les vieux cartons dans les greniers, laisser les vieilles personnes oubliées, juste histoire d'effacer le temps passé, juste histoire table.